Question 33. Je suis bien placé pour dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tourner à gauche au rond-point. Oui, réponse C. Non, réponse D.